Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docs. Aujourd'hui, avoir 18 ans avec le VIH, un documentaire de Julie Navarre réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des épidémies légendaires et des mots qui font froid dans le dos. Virus, microbes, bactéries, parce qu'ils sont partout et invisibles, inoffensifs ou redoutables et que parfois, on doit apprendre bien trop jeune à cohabiter avec eux. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune fille trop mûre, une autre qui s'est retrouvée seule, un jeune homme qui l'a toujours su, des parents qui meurent et un garçon qui ne pose pas de questions. Ensuite, le décor. Du sang, des vies cabossées, le hasard, des cachets, l'hôpital, des questions, des secrets, la peur, des groupes de parole et des peines de cœur. Aujourd'hui, dernier épisode, des voix si jeunes. J'adresse cette fleur pour toutes les personnes atteintes. Le VIH, mon objectif, c'est de l'éteindre pour qu'elles ne puissent plus jamais m'atteindre. Je pense que je veux prouver aux gens que je suis capable d'en parler, que je suis capable d'assumer cette maladie. J'espère que ce témoignage touchera les gens et que... ils feront attention, ils prendront plus conscience qu'il n'y a pas que des adultes qui sont touchés par cette maladie, qu'il y a des adolescents aussi, et qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'on peut se battre. Règle numéro 1, toujours mettre le préservatif. Numéro 2, pour ceux qui l'ont, je serai toujours attentif. Parce que je me dis, il y a d'autres gens, ça se trouve, ils sont malheureux. Et faut, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas l'être. Il faut se faire avec. Numéro 3, ne jamais baisser la tête. Numéro 4, tant que la médecine existe, je ne lâcherai jamais l'affaire. Faut pas se dire que c'est fini, faut continuer à vivre. Je sais qu'il y a des gens aussi comme moi. Je leur demande vraiment de beaucoup lutter, de pas se laisser abattre. Et... les jeunes de mon âge, faut pas qu'ils rejettent les séropositifs. Parce que j'ai une fois parlé avec une copine, elle m'a dit, moi si ma copine elle est séropositive, je ne parlerai jamais. Et moi je lui ai dit, mais tu sauras jamais que ta copine elle est séropositive parce qu'elle te le dira jamais. Peut-être si elle entend ma voix, peut-être qu'elle saura qui c'est moi. Moi, j'ai cette facilité à en parler. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui me protègent, qui font bouclier face aux mauvaises réactions que je peux entendre, aux discriminations que je subis, etc. Et d'être sous cette protection, je me dis, bah, il faut que j'en profite, il faut que j'en parle. D'être entre guillemets porte-parole. Parce que les autres, ils n'y arrivent pas. Et je sais pourquoi. Parce que moi aussi, j'ai une période où j'en parlais pas. J'ai des périodes où j'hésite encore à en parler. Anne-Laure, Alexandre, Florine et les autres sont séropositifs au VIH, le plus souvent depuis l'enfance. Adolescents, ils sont venus parler de ce que pudiquement ils appellent leur secret. Avoir 18 ans avec le VIH. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. Syndrome d'immunodéficience acquise. Maladie du sang apparue il y a plus de 20 ans. Maladie cruelle, maladie mortelle, maladie éternelle. Maladie dont on ne peut guérir. Et le pire, c'est que pour survivre, il faut souffrir. Il faut prendre 1000 médicaments semblables à un empoisonnement. Être positif, faut croire que c'est négatif. Maladie qui fait peur, maladie dont on meurt. J'ai voulu écrire et j'arrivais pas à écrire sur cette maladie et c'est le premier texte que j'ai écrit. Avec mes parents, on n'en a jamais parlé. J'ai toujours su que j'étais malade, que j'étais plus faible que les autres, qu'il fallait que je fasse attention, que je devais prendre des médicaments, mais j'ai jamais su pourquoi. Et dans la famille, on pose pas de questions. Aujourd'hui, de toute façon, mes parents sont décédés. Donc, on m'expliquait, j'avais pas assez de globules blancs, pas suffisamment de défense immunitaire. Après, c'était immunodéficiente. Et en fait, un jour, ça a été le grand déclic parce que je me suis explosé le nez au trampoline. Donc, j'ai saigné du nez comme pas possible. Et je suis allée à l'infirmerie. Et en fait, mon prof de sport m'avait prêté son mouchoir en tissu. Et l'infirmière a jeté le mouchoir en tissu. Elle n'a pas voulu que je le lave ou quoi que ce soit. Et il y avait une fille qui m'accompagnait, elle s'est lavé les mains à plusieurs reprises. Enfin, elle a dû se laver les mains à plusieurs reprises parce qu'elle ne savait pas. Et le lendemain, il y a eu des affiches dans le collège, dans les salles de classe. Il y avait écrit « Ne touchez pas les plaies, ne ramassez pas les seringues », etc. Et avec tout le contexte où j'avais quand même plein d'indices sur ce que j'avais vraiment, ma maladie, tout ça, bah là, ça a été déclic. Et du coup, j'ai demandé à ma grand-mère, très froidement, dans la voiture, « Est-ce que j'ai le sida ?» Et elle m'a dit « Non, tu n'as pas le sida, tu es séropositive. » Elle pensait que j'étais au courant, l'infirmière pensait que j'étais au courant, le médecin scolaire pensait que j'étais au courant, enfin bon. Tout le monde pensait que j'avais compris. J'avais compris, mais pas aussi clairement. Après, je me suis informée, moi-même, dans les centres de dépistage, des centres de prévention. Et c'est là que je me suis vraiment fait un bagage sur cette maladie, que j'ai tout compris. Et après, je me suis lancée à faire plein d'actions de prévention à mon tour. Mais on a le sentiment, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a le sentiment que les gens ont retenu de moi. J'étais une fille réservée, renfermée et abattue par tout ce que j'ai vécu finalement. Parce que c'est vrai que c'était pas facile. Et personne ne pense que je me suis autant ouverte et que je fais autant de choses maintenant et que j'en parle aisément. Et là, petit à petit, certains posent des questions. Quand bien même aujourd'hui, je sais exactement ce que c'est cette maladie et que c'est pas si facile d'en parler. Donc, c'est délicat. En fait, j'ai 18 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France à 15 ans. C'est la copine de ma sœur qui est venue avec moi. Et après, elle m'a laissée. Ses copines, après, elle me faisait travailler. Je lui ai dit que je voulais aller à l'école et elle m'a dit, d'accord, il faut que tu travailles. Ben, j'ai travaillé au moins 2 mois et on changeait de domicile à chaque fois. Un jour, elle m'a dit, tu prends tous tes bagages et on va encore changer de domicile. Et moi, ce jour-là, moi, j'ai craqué. Moi, j'ai dit, mais aujourd'hui, c'est bon. Moi, je suis venue pour aller à l'école. Et si je ne peux pas aller à l'école maintenant, c'est bon, je fais rien. On a pris mes affaires. On est descendu à l'arrêt de bus. Elle m'a laissé, elle m'a dit d'attendre. De 7h jusqu'à midi, j'étais là, j'attendais. J'avais pas mangé et tout ça. Et j'avais compris qu'elle m'avait abandonné. Et là, j'avais commencé à avoir peur. Et le commissariat m'a envoyé au foyer, dans un foyer. Je suis passée devant un juge, tout ça. Mais après, comme je sortais pas, un jour je suis sortie, mais je connaissais pas bien l'endroit où j'étais en fait. Toute la nuit jusqu'à minuit, je suis restée dehors. Je me sentais seule. Et après, il y a un monsieur qui est venu. Moi, je lui ai demandé de me ramener dans mon foyer. Je suis montée dans sa voiture, mais en fait, il ne m'a pas ramenée au foyer. Il m'a ramenée chez lui et il m'a agressée. Et après, on m'a ramenée à l'urgence. On m'a dit de faire des tests de dépistage, tout ça, pour voir si j'étais enceinte. J'ai fait un premier test, on m'a dit de faire un deuxième test. Et j'ai fait le deuxième test, on m'a dit de faire un troisième encore. Et le troisième test, après, on m'a dit que mon test, il était positif. Et moi, j'ai demandé au médecin comment ça se fait que j'ai attrapé ça. Et il m'a dit, c'est impossible que ça soit mon agresseur qui m'a contaminé parce qu'on le sait après 3 mois. Mais moi, tout ce qui me préoccupait, c'était de savoir qui m'avait contaminé. Je ne pouvais pas comprendre qu'une mère ou un père peut donner le sida à son enfant. Moi, j'étais non. Je ne sais pas si c'est ma mère ou mon père qui était séropositif avant. Peut-être que je suis une séropositive, je ne sais pas. 1 mois, 2 mois après, j'ai commencé à comprendre, à accepter que j'étais séropositive. Je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans. Ouais, en fait, c'est ma mère, quand elle m'a donné naissance, elle a été contaminée, en fait. On a eu du sang contaminé par la transfusion, juste dans les années 80. En fait, c'est depuis que je suis né. Personne ne m'a l'appris, je l'ai toujours su. Je comprends un peu. Les gens que je connais pas, j'attends avant de les connaître pour leur en parler. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées reçues. Par exemple, à mon CFA, à mon école, en fait, bah je le dis pas parce que je les entends parler, les gens. Ils ont des idées reçues là-dessus qui... Enfin, les mentalités, on les change pas en une journée. Donc, faut attendre que ça évolue. Qu'est-ce que t'entends, toi, comme idée reçue? Genre, si je lui serre la main, nanani, nanana, c'est... Moi, ça me fait rire quand je les entends dire ça. Je leur dis non, c'est pas vrai, mais... Les gens, ils continuent à rester dans leur monde. Hein. Bon, c'est pas grave. Entre 14 et 15 ans, c'est vrai que c'était un peu difficile, on va dire. Parce que j'arrêtais pas d'y penser, tout ça. Enfin, j'étais un peu petit aussi dans ma tête. Je me disais que c'était une fatalité, que je pourrais pas avoir de copines, que je peux pas aller avec tout le monde. Je me faisais plein d'images dans ma tête. Mais maintenant, je me dis, bah, allez, si les gens ils sont pas contents avec moi, bah... Ils font leur chemin et puis voilà. Ça me dérange plus du tout. De toute façon, faire avec. Hein. Dès que j'étais petit, je prenais déjà des médicaments. C'est une habitude. C'est dans ma vie, c'est comme ça. Des fois, je me dis, des fois, ça me ferait bizarre de pas les prendre, on va dire. Et des fois, quand j'oublie de les prendre, ça me fait bizarre. Je sais pas, je sais l'enjeu que ça a. Donc, même si des fois, je me dis, ça me saoule. Je l'arrêterai pas parce que je sais que si je veux vivre, voilà, c'est ça. Pas le choix. Ça va et vous? Oui, j'ai trouvé. Ah, ça t'ennuie pas si je tourne un peu l'entrée et tout? Non, il y a apparemment pas de problème. Je travaille dans une radio aussi. Oui, bah oui, tu vois, faut que ça soit vivant. D'ailleurs, je vais faire des essais de voix, on va voir si je peux avoir une chronique. Déjà, qui teste ma voix, il m'a dit quoi, alors qu'il attend bien ben. Et après on verra. En fait, le seul problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à poser ma voix. Parce que devant, avant le micro, je suis super gaise et tout, mais alors quand je suis devant le micro, il n'y a plus rien. Je m'appelle Florine, j'ai 17 ans. Moi, je suis née avec le VIH, justement. Au début, vers les 6-7 ans, j'ai vu ma mère tomber malade, je ne savais pas de quoi, mais je savais qu'elle était malade, donc elle était hospitalisée assez longtemps, un an et demi, deux ans, je crois à peu près. Je la voyais souffrir et tout, et je ne savais pas. Donc, après, quand j'allais en colonie, j'avais toujours des médicaments à prendre, faire attention à ce que je faisais, et petit à petit, vers les 8, 9, 10 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi j'avais ces médicaments-là à prendre, pourquoi je devais faire attention. Et elle m'a expliqué que justement j'étais malade, que j'étais née avec une maladie qui s'appelait le VIH. Puis après je me suis renseignée avec mes médecins, mon médecin traitant qui s'occupe de moi depuis ma naissance. Ils m'ont expliqué comment ça se passait pour moi, qu'il fallait bien que je prenne mon traitement, qu'il fallait que je fasse attention dans certains cas et que la vie continuait, quoi, qu'il ne fallait pas que je baisse les bras et qu'il fallait que je me batte. Est-ce que au passage de l'adolescence, quand au moment où on grandit ou... où on prend conscience en fait de beaucoup plus de choses. Est-ce que là, il y a quelque chose qui a changé pour toi? Des questions qui te sont venues, que tu as pu poser? Bah justement, au moment de l'adolescence, j'ai eu une prise de conscience parce que j'ai fait des tentatives de suicide parce que je ne pouvais plus vivre avec cette maladie, justement. J'en avais marre, je croyais que j'étais seule au monde, qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Donc j'ai été hospitalisée en psychiatrie. D'ailleurs, je conseille à personne de faire ça. Elle se situe à quel niveau, ta plus grande peur à ce moment-là? La peur de tomber malade, parce que j'ai vu ma mère malade à un point inimaginable. Donc, ça fait très mal d'imaginer qu'on peut arriver à ce stade-là, à s'imaginer maigrir, devenir presque un squelette, quoi, avoir des cancers, des maladies opportunistes. C'était la plus grande de mes angoisses, de m'imaginer sur un lit d'hôpital en train de crever, quoi. Et par moments, je me suis dit, je préfère mourir que devenir comme ça, donc autant finir tout de suite, et voilà. J'avais décidé d'arrêter mon traitement toute seule, ce qui a fait des dégâts, on va dire, au niveau des résultats sanguins. Et on m'a réappris à prendre mon traitement, parce que je refusais la maladie, je refusais les médicaments. C'était, je suis séronégatif, et ne me dites pas que je suis séropositif, je suis séronégatif, et c'est tout. Pour moi, c'était... un refus total de maladie, quoi. Je voulais oublier cette maladie. D'ailleurs, ces derniers temps aussi, j'ai pas trop... En fait, J'ai pas l'intention de faire une thèse prolongée, mais j'ai pas non plus envie de je supporte plus le traitement en fait. J'ai du mal à l'avaler. Il est tellement, enfin, il est imposant, il est gros, il faut l'avaler. Moi, je peux plus l'avaler avec de l'eau, donc je suis obligée de l'avaler avec des yaourts. Mais je suis obligée de le prendre, quoi, parce que sinon, bah, sinon, je sais ce qui va m'arriver et je veux pas que ça m'arrive, donc je le prends. Et quand tu dis qu'il est difficile à prendre, parce que t'en as beaucoup à prendre? Moi, j'en ai, on va dire, 11 par jour. 11 par jour. Je sais qu'il y en a qui en ont plus. Quand ma mère était à l'hôpital, elle en avait 60 par jour, ce qui est énorme. Et maintenant, bah, ok, j'en ai 11 par jour, mais c'est ma vie qui continue, quoi. Et est-ce que tu comprends ça, que beaucoup d'adolescents, justement, quand ils arrivent à cet âge-là de la vie, qu'il y ait cette difficulté, justement, à le prendre tous les jours? Bah, je pense que, justement, c'est la crise d'adolescence. On n'a pas les questions d'une adolescente, par exemple, qui va se dire « Ouais, j'ai des boutons partout, j'ai cassé un ongle, comment je vais m'habiller ?» On a d'autres questions, on a les questions « Est-ce que je vais pouvoir faire ma vie ? Est-ce que je peux avoir des enfants ? Est-ce que je peux avoir un mari, avoir une famille normale, avoir un travail normal ?» On a toutes ces questions-là qui font une grosse boule et à un moment donné, ça explose et on se dit bah, « Merde, je préfère mourir que de continuer, je préfère arrêter mon traitement et voir ce que ça donne, voir si je peux être normale sans traitement et continuer à vivre sans traitement. » Et je pense que c'est normal qu'on pense comme ça dans la crise d'adolescence, quoi. C'est une crise d'adolescence, mais un peu plus lourde que les adolescents séronégatifs, je pense. C'est tout. Comment ils réagissent? Vous avez vu comment j'ai réagi, moi? J'avais bien réagi. J'étais en train de chialer dans la cour, je me rappelle. C'est vrai. Tu m'avais envoyé un email et puis t'es pas foutu de me le dire en face. Ah, j'ai pas apprécié. Il y a 2 ans, il me semble. À l'hôpital Necker, un groupe de parole s'est ouvert. Et le principe, c'est qu'il y a des adolescents séropositifs qui se réunissent. Et dans ce groupe de parole, donc on est rarement nombreux. Et c'est étonnant parce que dans le groupe de parole, je suis la seule qui arrive à parler de la maladie, qui en parle à l'extérieur en fait. Et donc pour tous les autres, le groupe de parole est le seul lieu d'échange autour de cette maladie. C'est le seul endroit où ils peuvent en parler. En parler à cœur ouvert, sans craindre qu'on les juge ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, on parle de tous nos soucis, que ce soit au niveau de la prise du traitement, ou nos interrogations, comment le dire aux autres. Et parfois ça va plus loin, parce que une des questions qui est ressortie de tout ça... c'est qu'on a tendance à dépasser nos limites comme pour prouver qu'on n'était pas malade. Puis on a tous des parcours très différents. Pour certains, seule la mère est au courant de la séropositivité de son enfant, même le père n'est pas au courant. D'autres personnes de la famille n'est au courant. D'autres, la famille sait et les amis ne savent pas. Enfin, c'est très hétéroclite comme échange. Pour moi, de rencontrer tous ces jeunes, ça me permet de me dire je suis pas seule avec cette maladie et ça c'est important parce que quand on se situe en tant qu'adolescent séropositif, donc souvent déjà on se situe par rapport au lycée, au collège, enfin l'établissement dans lequel on est, on se voit au milieu de 2000 personnes et on se dit bah oui mais je suis tout seul. On peut pas imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'établissement qui partage notre secret. Et quand on réalise ça, on va dans la rue, on se dit « Ah oui, mais là, dans toute cette ville, ça se trouve, je suis tout seul. » On se sent vraiment seul et ça permet de se dire « Bah voilà, il y en a d'autres qui vivent la même chose, qui ont les mêmes interrogations au quotidien. Et que peut-être si eux, ils ont les réponses ou que ça se passe bien dans leur quotidien, bah ça peut m'arriver aussi. C'est pas définitif quand on vit une situation de galère à cause de la maladie. » Puis c'est aussi une prise de conscience parce que par exemple il y a 2 semaines c'était très intéressant parce qu'il y avait une adolescente, ça faisait des années qu'elle prenait mal son traitement et elle est passée au stade sida et bah ça donne un coup de fouet hein, et je sais, moi je me suis vue, je me suis dit bah si je faisais pas attention je pourrais être là et je penserais forcément à la mort à ce moment là. Et donc ça fait peur et donc ça me remotive encore plus pour prendre les médicaments. Donc c'est des petites choses comme ça, où parfois il y en a qui les prennent mal et puis on serre les coups, on dit non mais il faut que tu les prennes, il faut faire ceci, cela. On essaye de trouver des solutions farfelues parfois. Enfin voilà quoi, c'est... C'est un bon lieu d'échange. Pour moi, j'ai accepté que je suis positive, mais pour moi, c'est comme si je me vengeais un peu du virus. Des fois, je ne prenais pas mon traitement. Mais ça, je me dis parce que j'ai aussi mal, parce que je me dis que je ne suis pas malade. J'en ai marre aussi de prendre tout le temps. Et même si c'est que des traitements, ça fait aussi mal parce que ça fait rappeler qu'on est séropositive. Poison mortel qui coule dans les veines, qui parcourt tous les recoins de ton corps et qui niche paisiblement dans ton cœur. Le dor l'autant, l'envahissant. Seul ton cerveau n'est pas contaminé. Intact pour mieux ressentir la douleur, pour être conscient de l'empoisonnement. Seul reste la haine pour mieux le nourrir. Le remède est dans le poison lui-même. Le poison est la souffrance et le remède la parole. Le corps enferme la souffrance, inconsciemment la protège et la cultive en gardant le cœur noué. Alors parle, exprime ce que tu ressens. Laisse la souffrance prendre sa liberté, qu'elle te rende à nouveau la tienne. Au tout début de ma dépression, j'étais encore à peu près bien. J'ai été dans un centre de cardiologie infantile. On m'a accepté là-bas pour que je puisse me reposer dans un endroit neutre. J'ai rencontré des gens super, que des enfants malades, que ça. Mais ça m'a permis de comprendre que bah, moi, j'avais la chance d'avoir mes deux jambes et mes deux bras, justement. Et j'ai écrit un texte, et eux, ils en ont rajouté. Ça fait en fait un slam rap. On l'a fait comme ça, on l'a fait pour se soulager, pour dire ce qu'il y avait dans notre cœur en fait. Et voilà. Ok, château des côtes, je sais pas la race particulière. C'est le même sang qui coule dans le sang, au bon sang. Les enfants malades, courageux mais pas malheureux. Moi c'est Goldo, je vis sans le repère. On sait que la vie c'est un long fleuve qui mène à la mort. Au château nous sommes des frères, la vie nous amène à la mort. Et c'est un objet qu'on appelle toujours au but. Un coup, une flamme, si j'étais pour moi mort-né, je n'aurais pas de problème. J'ai bien pensé pour se dépenser avec l'hymne du 7-8. Nous sommes les enfants du pays, mon frère Taco, dis-leur. L'avenir c'est un long fleuve tranquille, mais faut-il savoir encore nager. C'est pas l'argent, eux le pouvoir font la valeur d'un être. Mais c'est de mon être que ces paroles viennent de naître. Entre rêve et espoir, on a tant de choses à te raconter. Tourne les pages de notre récit et écoute nos histoires. Et faire pleurer notre plume. Élever la voix, c'est notre but. Et trouver une voie de secours. On est là pour te le faire savoir. J'ai ouvert mes yeux et je te promets qu'il n'en faut que deux. Pour voir et entrevoir dans les couloirs des visages. Marqués par le carnage de la maladie. Mais c'est loin d'être aussi rapide que le tsunami. Car une lumière traverse leur âme. Et c'est de mon slam que je te parle de leurs mots par les mots. Ils ont fait une trêve. Ils n'ont pas eu la bonne fève, mais pensent un peu à leurs rêves, loin du macadam et des rues de Paname. C'est un peu leur paradis sur les murs blancs du château médical. Entre souffrance et souvenirs, en une heure c'est du bonheur. Prends la peine de faire une escale pour le prix d'une évasion sans frontières, loin de tes chimères. Alors patience, de nos paroles du bout du monde, bienvenue dans notre propre monde. La maladie, vous avez réussi à vous y faire. Vous êtes tellement fort alors que moi je suis si faible. La mort est toujours au rendez-vous. Mais l'amour m'a permis, mes amis, de vous dire merci à vous. Pour notre espoir, j'ai tant de choses à te raconter. Tourne les pages de notre récit et écoute nos histoires. Et faire pleurer notre plume. Élever la voix, c'est notre but. Et trouver une voie de secours. On est là pour te le faire savoir. Je connais la maladie et la peur de mourir. À chaque crise, c'est un coup de tournevis sur ma vie. Je suis un enfant normal, mais mon cœur s'emballe. Vital, mais aussi malade de naissance avec une reconnaissance. Écoute ce que je vais te raconter. Au-delà de tes histoires, de tes contes de fées. Moi, je suis là pour slammer et pour te démontrer à quel point des gosses peuvent être traumatisés à cause de la maladie, à l'idée de ne pas pouvoir vivre. Tu verras au château, plein de rires, souvenirs et de soupirs. Je suis pas là pour mentir, c'est une occasion de vivre. On est ces gosses trop jeunes pour mourir. Moi j'aime écrire, donc ça c'est autre chose. Mais besoin de mettre les mots qu'on ne peut pas dire parce que c'est une maladie, on s'en cache. C'est pour beaucoup la maladie de la honte. Alors ça, c'est la déformation des préjugés, hein. Mais bon, c'est, ça reste, on le vit comme ça aussi, alors qu'on ne devrait pas. Et c'est un poids énorme. Et pour se retirer ce poids, l'écrit, c'est une des solutions. Donc mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des choses, on ne s'imagine pas qu'on les ait vécues de cette façon à cause de la maladie. Et pourtant, elle est présente, elle est là au quotidien. Parfois, on s'en rend pas compte, heureusement. Parce que si on pensait à la maladie sur H24, ce serait assez pesant. Mais ça a ses conséquences partout, partout, partout. Un ami, ce n'est plus un ami, forcément. Il m'a dit, droit dans les yeux, tu es la mort en personne. La première fois qu'on nous le dit, ça fait mal. Mais le pire, c'est quand on voit que beaucoup ont cette image en tête. Même s'ils ne le disent pas de cette façon, qu'ils ne le formulent pas, dans leur regard, on voit bien que on est synonyme de mort. Après, gros problème avec les assurances, les banques, les gynécologues, les dentistes. Il y a beaucoup de corps de métier comme ça qui refusent de suivre des personnes séropositives. Après, gros problème aussi, c'est les voyages. Il y a énormément de pays où on ne peut pas aller quand on est séropositif. Après, il y a des répercussions, je pense notamment parce que je suis en plein dedans le permis de conduire. Il y a des médicaments de niveau d'alerte 3 qu'on n'est pas censé... Enfin, si on conduit, on ne prend pas ces médicaments, ou si on prend ces médicaments, on ne conduit pas. Et toute ma trithérapie, c'est en alerte 3. Je peux pas le dire, donc c'est soit ça, soit je suis condamnée à pas passer mon permis, donc c'est pas possible. Donc on dit rien, on se cache, on ment pas, mais on détourne la vérité. Pareil d'arriver dans une promotion où personne ne sait que je suis malade, surtout que je suis jeune par rapport à ma promotion, et c'est déjà difficile de faire accepter qu'on est là avec eux au même titre qu'eux, et qu'on peut avoir un vécu aussi chargé qu'eux. Mais quand ils nous voient, c'est toujours pareil. Toi, t'as vécu des choses, mais t'as vu le sourire que t'as, t'as vu, t'es tout le temps une vraie pile électrique, etc. Et dire, ah bah elle, c'est bon, elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, tout va bien. Le monde est tout beau, tout rose. Et pourtant, s'ils savaient ce qu'il y a derrière, ça marque et c'est difficile. C'est une première étape de dire la vérité, dire ce que c'est. Il y a une injustice qui tourne autour de cette maladie, c'est incroyable et on a envie de se révolter, on a envie de se révolter et en même temps on peut pas. Beaucoup sont complètement accablés par tout ce qu'on peut entendre, les discriminations qu'on subit, l'image qu'on nous renvoie aussi, et ça nous fait tellement mal et on peut tellement rien dire parce que c'est une maladie dont on se cache. Et parce que on est entre guillemets coupable de notre propre maladie. C'est ça l'image qu'on nous renvoie souvent. On est coupable de cette maladie alors qu'on n'a rien demandé à personne. Est-ce que tu veux donner ton prénom, ton âge ? Non, c'est pas. Ton âge, non, même pas. J'ai 18 ans. À quelle époque, en fait, toi, tu as su pour le diagnostic que tu étais séropositif ? Quand j'avais 16 ans. C'est ma médecin et ma mère. Je trouvais ça bizarre quand même que je prenais toujours des médicaments et que j'allais bien. Parce que ça se voyait pas sur moi que j'étais séropositif ou pas. T'as pu poser des questions à tes parents ou... Bah non, je pose pas trop de questions. J'ai fait s'écouter. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors ? Bah, ils m'ont dit que c'était quand j'avais 4 ans. Une fois, j'étais très gravement malade, il fallait me faire une transfusion. Et que normalement, c'est mon père, mon donneur. Et mon père, il était au travail pendant ce temps. Donc, comme j'étais avec ma mère, on devait attendre que mon père revienne. Et en fait, on a été obligé de me transfuser avec le sang de quelqu'un d'autre. Parce que si on attendait, je risquais de mourir. Donc, on était obligé de me transfuser d'urgence et à partir de là. Quand j'y pense un peu, ça me met un peu en colère par rapport à mon père surtout. Et d'un côté, c'est pas aussi de sa faute. Le fait qu'il ait pas été là à ce moment-là. Voilà. Et toi, alors, quand tu as appris ce diagnostic, quelle vision t'avais à ce moment-là ? Bah avant, je savais pas que ça existait la trithérapie. Donc je me disais, il reste pas beaucoup de temps à vivre et puis je vais mourir. Et maintenant, aujourd'hui, comment tu la vois ? Bah, je me dis, vu que mon médecin m'a parlé du traitement, m'a dit tant que tu prends ton traitement bien comme il faut, tu peux vivre autant de temps que tu veux, même mon père l'a dit aussi. Je me suis dit, si je prends mon traitement comme il faut, ça se trouve, je pourrais mourir après mon père. ou comme je vais mourir avant. Après tout, c'est pas moi qui décide quand je meurs ou pas. Et toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu as beaucoup de mal à parler autour de toi, avec tes proches? J'ai envie d'en parler, mais je me sens pas encore prêt. Surtout avec mes potes, c'est le fait que je sais pas sur le coup comment ils vont le prendre. Et directement, il y a certaines personnes, par exemple, quand on leur parle de ça, directement ils pensent à autre chose. Oui, voilà, t'as fait des conneries à côté, t'as fait l'amour sans capote, tout ça. T'as peur d'être jugé sur un. Voilà, jugé mal alors que c'était pas ça du tout. Et il y en a, c'est la mort, ils disent ouais, tu vas mourir. J'ai réussi à en parler à un ami à moi parce que j'avais. Lui, c'est quelqu'un de. Turbulent un peu, on va dire. Et j'ai réussi à leur parler. J'ai fait, bon, comme toi, t'es un peu turbulent, on va aller faire un test et on verra ce que ça a donné pour toi. Donc c'est ça là que j'en ai parlé. À mon âge maintenant, à mes 17 ans, là, j'ai pas de problème. Je suis sociale, je m'amuse, je discute. Chez mes amis, ils sont au courant que je suis malade et il n'y a pas de problème. Mais plutôt, de mes 11 ans à mes 15 ans, j'ai beaucoup souffert au collège. Parce qu'en fait, il y a une amie à moi qui était au courant que j'étais malade et qui a balancé ça dans le collège. Et les moqueries, les regards et tout ça, je les ai vécues et ça fait super mal, quoi. Le fait de se faire traiter de pestiféré, ça vous marque à vie, c'est quelque chose qui vous restera. Mais vous vous dites que peut-être qu'ils étaient pas, ils sont pas au courant, c'est peut-être pour ça, ils ont peut-être peur aussi de la maladie. Donc ils font une barrière de méchanceté et ils se moquent, ils parlent. Et je pense que c'est le manque d'information qui fait ça. Même si beaucoup de gens sont informés, il y en a qui ne sont pas assez, justement. Je veux dire que j'étais relativement épargné, même si bon, en primaire c'était un peu... C'est des enfants, les gens. Je me suis jamais reçu de violence, ça, parce que personne n'a jamais osé, parce que je me défendais. Au collège, après, les gens, ils évoluent un peu, mais bon, il y a toujours des imbéciles, comme on dit. Hein. Mais après, j'ai appris à pas faire attention. Au lycée, il y a plein de gens qui étaient au courant, aucun préjugé. Et bon, maintenant, dans mon CFA, personne ne le sait, mais bon, je pense pas qu'on aurait tellement, quoi. Parce que des gens, des fois, ils me demandent ouais, pourquoi t'es pas là tel jour et tout. Je parle en tant que prof, surveillant, tout ça. Je leur balance un d'un coup. Et au début, ils sont un peu. Genre, ils ont l'air, je sais pas, tristes ou je sais pas comment. Ils ont de la pitié, on dirait. Mais après, ça va. Et quand tu faisais face à toutes ces violences, ces agressions, quelle était ta réaction? Comment t'arrivais à gérer, en fait, tout ça? Le seul moyen que j'ai trouvé pour combattre ça, c'est de me refermer sur moi-même. À un tel point que je me mettais à l'écart de tout. En cours de récréation, j'étais dans mon coin. À la cantine, j'étais dans mon coin. En cours, j'étais dans le fond de la classe ou tout devant pour bien être en face du prof et écouter que le prof. Et je me suis rebellée, en fait, en seconde. En fait, il y a un garçon en troisième qui était dans ma classe, qui s'amusait à se moquer de moi aussi, qui est arrivé en seconde et qui a essayé de faire la même chose qui s'était passé au collège. Donc, il a essayé de balancer ça dans le lycée. Et là, j'ai été le voir, j'ai fait « Écoute, c'est pas toi qui va me rabaisser, c'est pas toi qui va faire que je suis mal. Donc tu peux dire ce que tu veux, je l'assume totalement. » Et là, c'est parti, j'ai fait ma vie. Mes amis, ils ont compris que j'étais une fille normale, quoi. Que c'est pas parce que j'avais une maladie que j'étais à mettre à l'écart ou quoi que ce soit. Il l'a bien pris, finalement, c'est bien entendu à la fin, donc voilà. Mes amis de maintenant, ils ont pas de problème avec ça. Je suis Florine, je suis moi, je suis une fille de 17 ans qui a envie de s'éclater, qui va en boîte de temps en temps, qui s'amuse, quoi, qui profite de la vie. Je m'arrête pas non plus à cette maladie-là, donc c'est ça. Et mes amis non plus. Et est-ce que c'est, puisque ta maman est séropositive comme toi, est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez parler toutes les deux? Avant, justement, non. Avant, j'avais du mal à parler de ça avec ma mère, j'avais du mal à parler de tout avec ma mère, j'arrivais pas à parler avec elle. Et justement, après cette période en psychiatrie, j'ai pris plus conscience que les parents, ça sert à ça. Et maintenant, je parle de maladie, je parle de copains, je parle de tout avec ma mère. Et je trouve ça vachement bien parce qu'avant, on n'arrivait pas à communiquer. Et c'était tous les jours des engueulades, tous les jours, ouais, je te déteste, tu me refilais ça. Et ça, quand on dit ça à un parent qui est malade alors qu'elle elle-même ne l'a pas voulu, ça la blesse beaucoup et je m'en suis rendu compte. Donc ça a créé beaucoup de tensions. On essaie de les calmer maintenant en discutant, en exposant nos problèmes. Et on y arrive quand on arrive à communiquer normalement. Je préfère la protéger, ma vie privée. C'est pas tout le monde qui considère des jeunes séropositifs comme des êtres humains. C'est très rare, donc c'est mon secret personnel à moi. Avec qui je peux en parler, à mes proches, mon petit ami, une copine à moi qui a vécu cette galère avec moi, c'est tout. Le reste, peut-être non, le reste non, je vois personne. Et toi, est-ce que c'est quelque chose dans ta famille que tu as pu partager ou pas du tout? Par contre, dans ma famille, non. Je ne me sens pas prête, c'est tout. J'ai pas envie qu'ils éprouvent de la pitié envers moi, non. Je suis pas prête à la mort. Je vais vivre longtemps, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je vais vivre longtemps. Et j'y crois d'ailleurs que je vivrai vraiment longtemps et... Ils vont tellement approuver la pitié et ça va me démoraliser, ça va tout casser et j'aimerais pas. Ils auront tellement pitié de moi, je supporte pas ça. À 15 ans, faut le dire à tes parents. Et même si tes parents ne sont pas à côté de toi, mais faut le dire quand même à tes parents. Et à chaque fois que je parlais avec mes parents au téléphone, j'avais honte parce que je me disais que je cache un truc que même s'ils ne savent pas, peut-être qu'ils sont, eux, ils sont dans ce problème. J'ai envie de leur dire, mais je ne sais pas comment ils vont le prendre. J'avais peur. Et un jour, j'ai appelé ma mère et j'ai dit à ma mère que ça ne se dit pas chez moi séropositif dans ma langue, ça se dit directement que tu as le sida et j'ai dit à ma mère directement que j'ai le sida et elle m'a raccroché au nez. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit qu'elle ne comprend pas. Parce que pour moi, porter ça tout seul, pour moi, c'était pas bien. Donc voilà pourquoi j'ai dit à ma mère. Je cru qu'elle allait me soutenir, mais bon. Et après, elle m'a soutenue. Voilà. Il n'y a que ma mère qui est au courant. Et jusqu'à présent, elle me dit Didi à mes soeurs. Et je ne veux pas leur dire. Parce que je ne sais pas comment elles vont le prendre. J'ai fait mon chemin. Et voilà. Peut-être que demain, si j'ai 20 ans, 25 ans, si j'explique mon histoire à d'autres, ils vont comprendre et ils vont voir que c'est rien. C'est vrai que ça fait mal le virus, mais ils vont dire. Mais avec tout ça, t'as pu avancer, c'est rien alors. Je suis contente d'avoir cette facilité à en parler parce que parfois je me sens seule et je le vois au groupe de parole, je suis la seule à en parler autour de moi. Et pourtant, il y a des situations où j'arrive pas à en parler et ça fait mal. Et c'est dur de garder ça pour soi. Surtout que il y a des situations qui sont terribles et on peut pas expliquer pourquoi ça fait si mal alors que ça peut paraître une situation complètement bénigne pour les autres. Donc et on peut pas leur expliquer pourquoi. Et par exemple ? Par exemple, le truc qui revient le plus souvent, c'est les douleurs de cœur. Parce que voilà, souvent, on se fait rejeter par un garçon et on peut même pas dire, non, en fait, il m'aime pas. Il aime pas ta maladie, c'est tout. Et c'est juste à cause de ça. Donc on se dit, il suffirait qu'il y ait ce petit détail en moins pour être avec ce garçon. Mais juste parce qu'il a peur de cette maladie, qu'il l'accepte pas, etc. Il y a des moments, j'arrive pas à leur dire, quoi. J'arrive pas. Garçon, c'est... Je sais pas comment leur dire et c'est le gros conflit, quoi. C'est... trop dur à expliquer. Trop de conséquences. Trop de conséquences parce que là, il y a le risque. Dans une relation amoureuse, on est aussi dans la relation de risque. Quand bien même on sait se protéger, on sait tout ce qu'il y a à faire, etc., on est trop proche du risque. Ça fait peur à l'autre. Et nous, en tant que personnes séropositives, ce qui nous fait mal et ce dont on a peur, c'est que l'autre ait peur. Et on en revient toujours à la même chose. Du coup, on dit rien. Et ça me travaille beaucoup parce que justement, j'ai rencontré cet Allemand et j'arrive pas à lui dire. Il m'a fait la surprise de revenir. Il est venu en France juste pour moi, pour me voir. Et j'ai toujours pas réussi à lui dire. Et là, c'est d'autant plus difficile parce qu'on est sortis ensemble. Donc, et j'ai peur de le perdre en lui disant. Donc, j'ai choisi de rien dire, mais il va falloir qu'un jour je lui dise. Et je sais pas comment. Donc voilà, le gros problème de l'amour. Et ça, c'est le plus gros problème que je rencontre. Face à des discriminations, à l'emploi, manque d'assurance, tout ça, il suffit de faire valoir ses droits. Il suffit, on peut intenter un procès. Enfin, il suffit. Il y a des solutions. Et on peut pas perdre, entre guillemets. En amour, c'est un peu du tout ou rien, quoi. C'est... Là, on peut tout perdre, on n'a pas de filet derrière, donc... Voilà, la maladie de l'amour, quoi. On aime la personne, on ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose, on ne veut pas qu'il y ait un accident, on ne veut pas ça. Et moi, avant de trouver le garçon avec qui je suis en ce moment, qui a accepté cette maladie, je suis passée par des cas assez méchants. J'ai souffert, on va dire, parce que il y avait justement le refus et la peur de la maladie. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une personne vachement bien et qui a accepté ma maladie, ce qui est vraiment rare. Et je trouve ça bien de sa part et je me sens bien. J'avais peur de trouver personne, d'être célibataire, d'être de me faire nonne bientôt. Et non, en fait, non, je suis tombée sur la bonne personne, quoi. J'ai attendu à peu près 3 mois avant de lui dire. Il a compris que j'avais pas changé, quoi. J'étais toujours la même, que j'avais juste un petit truc en plus, quoi, c'est tout. Et que ça changerait pas ma personne. Donc voilà. Mais ça, on peut pas faire confiance à tout le monde. On peut pas. On est obligé de bien connaître la personne avant de le dire, parce que sinon, faut se protéger, en fait. Il faut prendre conscience que cette maladie-là, c'est pas quelque chose qu'il faut dire à tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait justement avec mon copain. Au début, j'ai tourné autour du pot. Et après, j'y étais franco, quoi. J'ai dit, allez, tiens, je me lance, tant pis. C'est lui, c'est pas lui, on verra, quoi. Et il a bien accepté. C'était trop dur. J'avais peur qu'il me quitte au bout de 2-3 mois. Et voilà. Je lui ai juste parlé en parabole et... Même jusque-là, je lui ai dit, écoute, s'il arrive un jour que tu sortes avec quelqu'un qui est séropositif, il ne m'a pas répondu. 2 ou 3 jours après, je lui ai dit, il n'a pas montré qu'il avait peur, non. C'est quand même quelqu'un de très courageux, ça j'ai vraiment admiré son courage. Il était quand même fâché que je puisse lui cacher, ça je sais. Il m'a aussi compris que c'était pas facile de pouvoir le lui annoncer. Je sais pas comment j'aurais réagi si mon frère ne l'avait pas, en fait. Tu te serais barré, ouais. C'est pas que je me serais barré, mais je pense que j'aurais plus de mal à l'accepter, de le voir tous les jours, parler avec lui, de voir que voilà qu'il est comme tout le monde, en fait. Il n'y a pas de différence, à part que dans la vie de tous les jours, il faut faire des petites attentions, il y a des trucs genre la brosse à dents, des petits trucs comme ça. Je sais que ça, mais franchement, à part ça... T'es prêt à faire des enfants? Avec moi? Je sais pas, on verra. Quoi, on verra? On verra, Inch'Allah, on sait pas. T'es pas prêt à faire des enfants avec moi? Ouais, mais c'est pas ça la question. T'y penses à la question de la parentalité aussi? Ouais, moi j'y pense et... Je veux un enfant. Je veux qu'il ait mon sang, mais pas ce qu'il y a dans mon sang. Donc... Et je sais que c'est possible, etc. Mais après, il faut trouver le bon papa. On en revient à la même chose, mais... Voilà, et en fait, j'ai aussi peur des réactions des autres, parce que... On m'a déjà dit... Tes parents sont égoïstes, parce qu'ils t'ont mis au monde, alors qu'ils étaient malades. Et que t'allais être malade. Alors déjà, c'est faux, parce qu'ils l'ont su pendant la grossesse, qu'eux, ils étaient malades. Donc voilà, mais moi je suis bien consciente de tout ça. Et si mon enfant est malade, j'ai peur que d'une part les gens disent que je suis égoïste parce que j'aurai un enfant qui est malade. Et deux, j'ai peur que l'enfant me le reproche aussi. Et trois, j'ai peur de me sentir responsable de sa maladie, etc. Donc... Ça peut arriver qu'il ait ma maladie et forcément, en fait, je pense à ce côté-là. Mais oui, je veux des enfants. Mais je sais qu'il y a des spécialistes et... Enfin, des enfants, un, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc on verra. Bah là, j'ai une copine, vu qu'on est pareil, on se comprend. Mais même si j'étais pas malade, bah, ça me poserait aucun problème. Après, si elle m'aime, bah voilà. Si elle m'aime pas, bah adios. Je vis au jour le jour, pour l'instant. Je prends comme ça vient. Faut pas se dire que c'est fini, faut continuer à vivre. Parce que sinon, y a un beau petit pont en bas de chez moi, il est très bien. Ça sert à rien de se morfondre dans sa tristesse. Faut continuer à... Faut voir ça comme une force. Se dire que voilà, moi j'ai ça dans ma vie et que je suis plus fort que lui parce que lui il a tout eu et moi toute ma vie je dois faire ça. C'est une épreuve quelque part. Puis je serai récompensé plus tard. Plus tard au moins j'aurai une expérience quoi. Je saurai ce que c'est de vivre, je vais pas dire la misère mais. Je saurais ce que c'est la douleur, la tristesse, tout ça. Je le sais déjà. Pour ceux qui se disent que leur vie, elle est foutue, ils sont tout faux. Hein. C'est tout. Je me laisse pas à la dérive. Avant, oui, mais maintenant, non, parce que je fais un peu de sport et tout. Avant, ouais, j'étais plus fatigué que les autres et tout, mais... Donc j'ai comblé ce retard en faisant du sport, c'est tout. Donc maintenant, c'est eux qui sont à la traîne. Mon avenir, pour le moment, je le vois pas. Je vis au jour le jour. Je sais pas ce qui va m'arriver demain. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Il peut tous nous arriver une merde dans la rue ou un truc comme ça. Mais peut-être par la suite, fonder une famille, avoir un travail comme tout le monde, me payer une maison... Voilà quoi, les questions d'une adolescente qui rentre dans la majorité bientôt, et c'est normal quoi. C'est... En ce moment, je suis stagiaire bénévole à la radio Vivre FM 93.9, la radio du handicap, et j'adore ce que je fais. Donc voilà. En espérant que ça continue et qu'ils m'embauchent quoi. J'espère. J'espère parce que j'ai envie de tester le micro et j'ai envie de montrer, bah. Bah justement, que dans cette radio, justement, c'est une radio du handicap. Il y a un monsieur aveugle qui a la patate. Il a la patate, il a la joie de vivre, même s'il a ce handicap depuis la naissance. Quoi. C'est hallucinant. Il a la niaque, il parle beaucoup, il s'amuse. Ça prouve aux gens que même si on a un handicap, on peut faire un métier qui déchire. Quoi. On peut tout faire, en fait. On peut se battre, on peut avoir une vie. La maladie, je l'affronte en ce moment. Je suis pas... On va dire que c'est un ami que je traîne comme un boulet. C'est venu un ami que je traîne comme un boulet. Je suis obligée de la traîner et tant pis, quoi. C'est comme si j'étais une prisonnière, que je portais un boulet derrière moi et c'est tout, quoi. C'est pas ça qui va m'arrêter. Même si, avec des difficultés, j'avance quand même. Mesdames, messieurs, pardonnez-moi de vous importuner au cours de votre trajet. Je m'appelle Christophe et je suis séropositif. Je suis sous trithérapie. Aujourd'hui, je ne touche plus de prime d'invalidité. C'est pourquoi je vous le demande, si vous en avez la possibilité, une petite pièce qui pourrait me permettre de me laver, car je m'efforce de rester propre. Sinon, un ticket restaurant ou même un sourire, ce sera la bienvenue. Ce jour-là, j'ai décidé de lui parler. Je lui ai demandé quel traitement il prenait. Il m'a répondu « Norvir ». J'ai dit « Moi aussi ». Ce « moi aussi » avait beaucoup de valeur. C'était un aveu. Et ça, c'est incroyable parce que on parle vraiment de cette maladie comme si c'était sur notre carte d'identité. Ça fait partie de notre identité maintenant. Comme un statut, je sais pas, mais on dit vraiment les choses comme ça. Et en même temps, moi souvent, en rigolant, enfin par rapport aux garçons ou aux gens qui me reprochent que j'ai pas prévenu plus tôt ou... Je sais pas, en même temps, je vais pas venir. Salut, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 19 ans, je suis séropositive. Et toi, tu fais quoi dans la vie? C'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, je voulais que tu te présentes, alors. Ouais. Que dire? Donc, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 19 ans. Je suis séropositive de naissance. Donc, j'ai été contaminée par ma mère, qui elle-même a été contaminée par mon père, qui lui-même a été contaminé à cause de la drogue, quoi, et d'une seringue contaminée. Et donc, ça fait donc 19 ans que je contracte cette maladie. Je suis passée par plusieurs traitements. Aujourd'hui, j'ai un traitement qui fonctionne à merveille. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, mon traitement, parce que il est super méga génial, comme on dit. Ce que j'aimerais dire dans ma présentation, parce que je ne suis pas que séropositive, ce n'est pas mon métier. je suis étudiante et je suis en formation d'éducatrice spécialisée. Donc voilà, le métier que je veux faire est dur métier, je sais, mais j'y arriverai. Et j'ai plein de passions dans la vie, hormis le chocolat. J'aime le chocolat, mais ce n'est pas ma passion, et donc j'écris beaucoup. J'adore le théâtre, voyager. Et j'ai une grande curiosité intellectuelle, donc j'aime trop de choses. Donc si je commence à tout détailler, on n'en sort plus, parce qu'en plus, j'ai pas l'esprit de synthèse. Voilà. Avoir 18 ans avec le VIH. Un documentaire de Julie Navarre, mixé par Éric Boisset, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Florine, Alexandre, Anne-Laure et les autres qui se reconnaîtront, ainsi que leurs familles et leurs proches, à vous, merci. Malade, guéri, vacciné, condamné ou ressuscité, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Et pour faire face au virus, bibliographie, lien replay et podcast, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Mais la semaine prochaine, nous mettrons l'islam sur le divan.